Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, la révolution n'est pas un dîner de gala. La radicalisation des mouvements d'extrême-gauche après 68. Une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Christine Robert. Au départ de cette série, il y a, alors que des cheminots sont en grève et des facs occupées, un anniversaire à fêter, ou une commémoration obligée, on ne sait plus. Mais une date en ligne de mire, avec la peur de l'embouteillage, ou celle d'une nostalgie trop facile, mais avec l'envie d'en parler quand même. Et aussi ce constat qu'à un moment, après 68, les choses ont dérapé, pour tout un tas de raisons et pas forcément uniquement de mauvaises raisons. Alors il y a l'envie de rester sur le fil et de creuser pour comprendre comment le printemps a fini par s'armer jusqu'aux dents. Et comme souvent, on bute sur la Seconde Guerre mondiale, mais au début, c'était le mois de mai. Alors pour commencer, les personnages. Un étudiant japonais devenu parisien, des étudiants français devenus vieux, des militants politiques, des jeunes gens révoltés, des gauchistes, des parents inquiets et des manifestants. Ensuite le décor, la guerre du Vietnam, les rues de Tokyo, le quartier latin, des violences policières, des mauvais choix, de l'utopie, la réalité qui résiste, des rouleaux de tickets de première classe et un livre sur une table de nuit et un certain sens de la mise en scène. Aujourd'hui, premier épisode, un printemps fiévreux qui commence au Japon. Quand je me suis inscrit en faculté de lettres de l'université Waseda, c'était la situation très mouvementée. 68, entre guillemets, au Japon, à partir de l'université Waseda que ça a commencé. Après 68, la révolution n'est pas un dîner de gala. Aux origines, Japon, France et Italie. 1966, janvier, je crois, c'est contre l'augmentation de frais de scolarité. C'était le début, tout au début. C'était pas important, hein, mais c'était tout au début. Mais pour la première fois, par la grève avec des barricades. Ça va être un mouvement étudiant très long, puisqu'il commence en gros à partir de 1965. Et il va se tarir dans une explosion de violence au mois de janvier 1969. Donc c'est un mouvement qui a été plus long qu'en France en tout cas. On pourrait le comparer davantage au mouvement étudiant allemand avec un pic international pour le coup, effectivement, en 1968. Où là, on est vraiment dans une insurrection étudiante à bien des égards, des mouvements de grève gigantesques et des manifestations qui ressemblent à bien des égards à ce qu'on a connu dans certains pays d'Europe et notamment en France. Après 68, qu'est-il advenu de tous ceux, étudiants, ouvriers, militants, qui n'ont pas pu se résoudre à abandonner le combat? Comment sont-ils, chacun à leur façon, passés de la contestation à la lutte armée? Au Japon, en France, en Italie, en Allemagne, retour sur ces années de bascule où la violence s'est peu à peu imposée dans le paysage. Michael Prazon, vous êtes documentariste, vous êtes l'un des rares d'ailleurs à avoir travaillé sur l'armée rouge japonaise. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu au début du mouvement 68 au Japon? Le mouvement étudiant japonais a sa propre histoire et pour la comprendre, il faut aussi remonter un peu plus en amont, remonter jusqu'au premier mouvement étudiant parce qu'en fait il fait suite et à bien des égards il imite ce qui s'est passé dans le mouvement étudiant, qui était bien mieux organisé, bien plus discipliné et bien plus précis dans les mots d'ordre, qui était le mouvement qu'on a appelé du Zengakuren de 1960. Le Zengakuren, c'est le syndicat étudiant qui, en 60, est unitaire et qui réunit toutes les universités du Japon autour d'une même bannière et autour d'un même mot d'ordre. Et le mot d'ordre principal, en 1960, c'est la contestation de la signature de l'AMPO, c'est-à-dire le traité de sécurité nippo-américain, qui fait finalement du Japon, à la fois une succursale des États-Unis. Le Japon renonce à son droit finalement de s'armer et de se défendre, ça fait partie des règlements de l'après-guerre, et en même temps apporte à la disposition des États-Unis toute l'aide matérielle, militaire, dont il a besoin. Et évidemment, à partir de 1965, c'est-à-dire à partir du moment où les États-Unis entrent en guerre contre le Vietnam et utilisent les bases japonaises, et notamment la gigantesque base d'Okinawa, utilisent les armes létales produites et fabriquées par Mitsubishi et envoient des navires de guerre à destination de Saïgon depuis le Japon, ça prend évidemment une dimension particulière. Et ce qui se passe, et l'un des impératifs du mouvement étudiant lorsqu'il se met en route, c'est d'empêcher, ou en tout cas de contester, la prorogation de ce fameux traité de sécurité nippo-américain. Du coup, le second mouvement étudiant, donc à l'approche de 68, va naître aussi à la faveur de la renégociation, donc de l'EMPO. Il faut ratifier une nouvelle fois un mandat qui est venu à terme. Donc il n'y a pas de négociation et évidemment ça met le Japon dans une situation de dépendance absolue. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est la question du déclencheur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher effectivement un mouvement aussi massif des étudiants. Alors évidemment, on est dans une époque très politisée, et la question de l'EMPO, la question, disons, d'un sentiment anti-américain, c'est quelque chose, évidemment, de très présent et de très prégnant. Mais le bout de feu, le déclencheur, comme souvent, c'est quelque chose d'un peu à la marge ou anodin, qui touche le quotidien des étudiants, des frais d'inscription à l'université, qui va toucher d'ailleurs des universités parmi les plus défavorisées. Et donc, ça va être l'objet d'un mouvement de contestation dont on peut dire qu'il est à l'origine, au fond, du mouvement étudiant. Et parallèlement à ça, un certain nombre de scandales financiers, des affaires de prévarication, de corruption, d'achat de diplômes, d'enrichissement de la classe dirigeante de l'université sur le dos des étudiants de Nichidai. Cette université qui rassemble à Tokyo 100 000 étudiants et qui a cette particularité de s'adresser aux étudiants les moins favorisés du Japon et très souvent d'ailleurs des étudiants venus de province. Et c'est dans cette université symbole que va être révélé, notamment via un étudiant qui va être propulsé à la tête du Zenkyoto de cette université, c'est-à-dire du syndicat étudiant de cette université, qui va devenir le symbole du mouvement étudiant. Il s'appelle Akita Akehiro, son nom de guerre c'est Akita Medaille. C'est lui qui va révéler le détournement de fonds qui a eu lieu dans les plus grandes instances de l'université à son propre profit. Et ça, c'est le deuxième élément qui va mettre véritablement le feu aux poudres. En tant que représentant du Zenkyoto, je déclare notre colère et notre mépris. Les autorités universitaires ont truqué les examens, reçu des pots de vin et délivré des diplômes en échange de voyages d'agrément. C'est ça le régime étatique d'aujourd'hui. C'est ça le paradoxe de notre situation. Nous, étudiants du Nichidai, ne pouvons absolument plus faire marche arrière. Nous devons nous libérer de ce lieu d'oppression. Nous nous déclarons contre ce régime étatique. Même si cela doit prendre des années, la lutte se poursuivra coûte que coûte. Akita était hors secte, c'est-à-dire non affilié aux différentes factions d'extrême gauche identifiées chacune par leur casque. Casque blanc pour les marxistes-léninistes, rouge pour les maoïstes, ou jaune pour les trotskistes révolutionnaires. Les factions étudiantes ont évolué en marge du Parti communiste, la plus puissante force politique d'après-guerre, dont elles dénoncent le stalinisme. Une contagion de la critique qui s'étend aux structures étudiantes elles-mêmes. Dès la fin de l'année 1968, les composantes du mouvement étudiant se subdivisent encore et créent de nouveaux groupuscules qui s'opposent entre eux et s'illustrent dans de violents combats de rue. Mais la faculté de lettres a été dominée par la faction Kakumaru, un des syndicats des mouvements d'étudiants les plus importants, les plus puissants, idéologiquement surtout. Kakumaru, ça veut dire littéralement, Maru, ça veut dire Marx. Kaku, ça veut dire révolutionnaire. Donc, étudiants marxistes révolutionnaires, en gros. Chaque cours, tout au début, un représentant de Kakumaru est très fréquemment venu pour prendre la parole. C'était la propagande. Vous étiez, Makoto Asali, vous étiez engagé dans un de ces mouvements, dans une des factions? Non, j'étais du côté de ce qu'on appelle Zenkyoto, mouvement d'étudiants global qui s'est formé presque spontanément sous forme de conseil. D'abord, je me suis engagé en tant que petit homme de théâtre de style underground. J'étais souvent au café de jazz et c'était l'époque de rock, donc Beatles, Rolling Stones. Et puis le révolte de style américain aussi. C'est en gros beaucoup plus vague le mouvement civique, n'est-ce pas, contre la libération des Noirs, etc., contre la protestation. Et Mohamed Ali, contre la guerre de Vietnam, tout ça. C'était très vague. Zenkyoto a accepté toutes sortes de révoltes possibles. Dans le cas du campus de Todai, à Komaba, c'est donc d'un côté Zenkyoto, le courant dominant, majoritaire, mais tout de même, du point de vue de stratégie, tout ça, c'était pas fort, puisque c'était pas militaire, c'était pas organisé. Et indiscutablement, la groupe des étudiants a adhéré au Parti communiste japonais, qui s'appelle Minsei. Syndicat Minsei, traditionnellement de Zengakuin, était absolument dominant. L'université de Tokyo, le campus de Komaba, était dans la situation de grève sans limite. Il n'y avait pas de cours, mais le mouvement continuait. Donc, le grand problème, c'est comment maintenir cette situation. Chaque étudiant s'est demandé à sa manière, chacun son style de l'engagement. Et au fond, ce mouvement ne naît et ne perdure que par, en tout cas dans les premiers temps, un soutien de l'opinion. Et c'est bien compréhensible, on a vécu la même chose en Italie, en Allemagne, en France et bien ailleurs. Ces étudiants, ils sortent pas de nulle part. Ils ont des parents et ces parents, évidemment, s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants. Donc au début, en tout cas, il y a un accompagnement ou une forme de sympathie de l'opinion, si tant est qu'on puisse mesurer l'opinion publique au Japon, ce qui est toujours très très difficile, mais en tout cas, il n'est pas perçu comme il le sera à la fin, c'est-à-dire comme un danger mortel. Et très rapidement, quand même, il va y avoir une réaction d'abord des autorités des universités concernées et ensuite, très vite, de l'appareil policier et étatique qui va utiliser une propagande relativement habile et qui va effrayer la population, c'est-à-dire une forme de dérive quand même dans une violence qui effraie les Japonais, qui sortent évidemment de périodes de leur histoire très traumatiques, toutes liées justement à un certain déchaînement de la violence. Et donc cette violence va rapidement tétaniser l'opinion et petit à petit l'effrayer. Et de ce point de vue-là, il ne va pas réussir comme en France, d'une certaine manière, à émarger autour de lui, c'est-à-dire à rassembler des ouvriers ou d'autres catégories de la population. Et il va, par étapes, se lancer, ou en tout cas se poursuivre dans une forme de dérive sectaire. Et la grande différence, et ce qui va porter préjudice à ce mouvement avec celui de 1960, c'est qu'il n'est pas unitaire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque université a son Zenkyoto, c'est-à-dire a son syndicat étudiant, et on n'a pas un syndicat, une centrale, qui va organiser, rassembler et coordonner ces mouvements entre eux. Et au sein même des Zenkyoto, disons qu'à partir de l'effritement du mouvement, à partir d'une dérive radicale, ces Zenkyoto, ces universités vont se fractionner en une multitude de sectes politiques. Alors certaines vont s'intituler marxistes-léninistes, d'autres trotskistes-léninistes. Il va y en avoir 15-20 comme ça, qui, pour des questions qui nous semblent aujourd'hui insignifiantes ou très datées, vont se disputer, s'opposer entre elles, et même se lancer des défis par la violence, et s'adonner à des espèces de manifestations de rue. Bon, un peu, c'est un peu des simulacres, hein. On est un peu dans un simulacre de la violence, mais quand même, il va y avoir des batailles de rue entre factions, et je crois que le mouvement, pour la plupart des Japonais, va devenir incompréhensible. Dans la tour de l'amphithéâtre Yasuda de Todai, se sont enfermées les factions les plus radicales des Enkyoto. Conformément à la culture japonaise qui privilégie l'esthétique de la défaite, le suicide rituel à la victoire elle-même, l'occupation de l'amphithéâtre Yasuda est un échec programmé. Pendant 3 jours, les étudiants parviennent à repousser les assauts du Kidotai, les CRS japonais. Après avoir reproduit le schéma séculaire des châteaux assiégés de l'époque des samouraïs, les étudiants rendent les armes. La tour finit par tomber et le Kidotai fait évacuer l'amphithéâtre. Oui, en effet, c'est un véritable siège digne du Moyen-Âge qui a eu lieu. Les étudiants, solidement barricadés dans l'université, lançaient des bouteilles d'acide, des bouteilles d'essence enflammées et des pierres sur les policiers. Les forces de l'ordre ont riposté à la grenade lacrymogène, tout en se protégeant avec d'immenses boucliers rectangulaires à la romaine. Finalement, un premier groupe d'assaut a réussi à investir l'auditorium. 400 étudiants ont été arrêtés, les autres ont réussi à s'enfuir. Mais il restait une vingtaine d'étudiants sur les toits, des irréductibles. Entre 2 jets de pierre sur les policiers, ces étudiants agitaient d'immenses pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Vive le président Mao ». L'université a été très sérieusement endommagée, et notamment la bibliothèque où des ouvrages sans prix ont été détruits. On est au mois de janvier 69. À partir de là, on peut dater la fin du mouvement étudiant, mais en réalité, le contre-coup va venir un peu plus tard. Ça va être 1972, la découverte des 14 victimes tuées par leurs propres camarades dans les chalets de montagne de Nagano. Et là, ça va être non pas la fin, puisque le mouvement étudiant est fini, mais la mort du mouvement étudiant. Et il n'aura, à cause de cet événement, aucune postérité. Il ne va pas du tout changer les mœurs sous la société japonaise, comme ça a pu être le cas dans d'autres pays, notamment en France. Donc, en France, on peut considérer que le mouvement, d'un point de vue politique, est un échec, mais en tout cas, il a transformé la société. La chinoise R75e. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse, et avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence, par lequel une classe renverse une autre. Moi, je suis en classe de philo. 1969. Le mouvement étudiant échoue au Japon, mais en France, sous l'impulsion mao-spontex de la gauche prolétarienne, on croit plus que jamais à la révolution. Nés dans les ruines encore fumantes de mai 68, d'illustres fées se sont penchées sur le berceau de la gauche prolétarienne, Sartre, Althusser ou encore Foucault. Puisant son inspiration dans le petit livre rouge de Mao, la GP, comme on disait à l'époque, a décidé d'agiter fermement la France pompidolienne. Une nouvelle génération de militants s'établit en usine, organise des razzias chez Fauchon, veut faire triompher la justice populaire et fait la première page des journaux. C'est du côté de la rue d'Ulm qu'il faut aller chercher ses fondateurs, Benny Lévy, mort en 2003, et Alain Gesmar, que nous avons rencontré un après-midi pluvieux de janvier dans un café parisien. 68 n'est pas né uniquement à Nanterre, mais était déjà la convergence d'un mouvement fort en milieu étudiant universitaire et d'un mouvement fort en milieu ouvrier. L'année 67 a été celle qui a connu le plus de grèves en France depuis la libération. Il y a eu des révoltes anti-autoritaires à l'intérieur des usines que nous rapprochions dans notre esprit des révoltes anti-autoritaires qui se produisaient à la même période dans les lycées, dans les facs, etc. etc. Donc, la... Donc c'est là-dessus que s'est retrouvé, s'est créée la gauche prolétarienne d'une certaine manière. Lucas, vous étiez encore lycéen quand vous avez commencé à militer à la gauche prolétarienne. Il ressemblait à quoi, votre engagement ? L'activisme de l'AGP, notamment dans les lycées, là, par exemple, à Paris, était très fort en 69-70. Et la ligne était de faire partir ces gens-là le plus possible vers les usines, quitte à abandonner le terrain des lycées, alors qu'il y avait vraiment là un rapport de force non négligeable. Donc moi, j'ai commencé par un travail archi-basique de militant, et très vite confronté à la pression de ce qu'on appelait des cadres pour aller vers les usines. Mais moi, je n'ai pas voulu aller vers les usines. Donc j'ai eu un chemin différent. Les usines Peugeot, à l'époque, si loin dans l'Est, et le froid si dur, c'était un peu, pour les petits bourgeois que vous étiez, ce que devaient être les forêts de la Germanie pour un Romain de la décadence. Un avenir farouche y était en gestation, parmi les danses barbares et les sacrifices humains. Même les usines du Nord-Pas-de-Calais, trop proches de Paris, trop syndiquées et politisées, trop civilisées donc, n'étaient pas revêtues de ce prestige effrayant. Renaud-Billancourt, n'en parlons pas. Se rendre à Sochaux, c'était plonger dans une crevasse de l'espace-temps. Province absolue, sans métropole, patronat de droit divin, climat sibérien. Bon, vous avez soif, les filles ? Olivier Rollin. Ouais. Qui c'est qui fait le piquet de garde ce soir ? C'est moi. On s'engageait parce qu'on avait envie de servir une cause, la cause du peuple, en l'occurrence. Mais le peuple, c'était pas une vision... fantasmé, on sentait bien que c'est hyper compliqué de lui parler, on sentait bien que c'était très compliqué de travailler avec lui, mais c'est pas pour autant qu'on n'allait pas le faire, parce qu'il y a un élément important dans toute cette histoire, dont on parle peu d'ailleurs, c'est l'aventure humaine, parce que quelque part cet engagement c'était une aventure humaine. Les contremaîtres passent les mains sur les mains des ouvrières. L'adjudant a reculé, son chrono est arrêté. Être de petit chef faillant avec ton petit crayon. Les usines, c'était la chaîne à l'époque. C'était les usines automobiles avec des petits chefs, des contremaîtres. Dans la période antérieure de l'industrie, le contremaître était un ancien ouvrier qui avait une expérience et qui était capable d'aider les compagnons à trouver les meilleures formes de travail. Avec l'arrivée de la chaîne et des débuts de l'automatisation, les ouvriers se sont retrouvés face à des contremaîtres qui ne savaient pas faire le travail qu'on leur demandait à eux de faire. Et donc qui n'étaient plus que des petits chefs, des gardiens du chronomètre. Et donc il y a eu des révoltes anti-autoritaires à l'intérieur des usines que nous rapprochions dans notre esprit des révoltes anti-autoritaires qui se produisaient à la même période dans les lycées, dans les facs, etc. etc. 8 heures de suite au boulot, avec ses peaux de vache sur le dos, vraiment, vraiment, c'en est trop. Un jour on aura la peau. Vos cibles à l'époque, c'était qui ? C'était le patronat ? C'était le PCF aussi, d'une certaine manière ? Ben, on trouvait le PCF entre le patronat et nous. Donc ça faisait que pour arriver jusqu'au patronat, il fallait d'abord traverser le PCF, ce qui n'était pas si évident que ça. Parce que le PCF à l'époque, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'était une force imposante avec une histoire, une emprise sur une partie importante de la classe ouvrière, en particulier sur les ouvriers professionnels. Le PCF et la CGT, qui étaient son instrument dans les usines, avaient peu de prise sur les OS. Les OS qui étaient les nouveaux ouvriers de l'époque de l'arrivée en masse des machines-outils et des chaînes. Les OS avaient été recrutés en milieu paysan pour une grande part. C'était l'époque où la désertification des campagnes se traduisait par l'arrivée vers ces usines de gens qui avaient plus de travail dans les campagnes, et d'autre part d'un recrutement relativement massif de travailleurs immigrés qui n'avaient pas les traditions ouvrières qui étaient celles que la CGT représentait et qu'elle incarnait aux yeux des masses. Donc on avait dans les entreprises, dans les usines, dans les grandes usines essentiellement, il y avait un potentiel qui était pour une grande part libre de l'influence de la CGT et du Parti communiste. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8, la révolte qui gronde au foyer noir. Ces travailleurs immigrés qui étaient essentiellement des travailleurs immigrés issus des anciennes colonies d'Afrique du Nord, algériens, tunisiens, marocains, que le patronat allait rechercher en masse sur place. Il y avait y compris un organisme national, gouvernemental, l'Office national de l'immigration, qui était chargé de recruter pour le compte des entreprises françaises qui recherchaient désespérément de la main-d'œuvre. C'était qui est encore les Trente Glorieuses, une production qui augmentait en permanence et il n'y avait pas la main-d'œuvre locale nécessaire, même avec l'afflux des jeunes paysans. La violence est partout. Vous nous l'avez apprise, patron qui exploitait et flic qui matraquait. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. À l'époque de l'ex-gauche prolétarienne, les cibles les plus stratégiques, c'était ce qui se passait en usine. C'était donc soit l'organisation patronale, la manière dont elle agissait contre les ouvriers, soit... Et assez souvent, le PC et la CGT qui ne voulaient pas être dépassés sur leur gauche et où les affrontements pouvaient être très violents. Il faut se rappeler d'un 1er mai 73 où les tensions avaient été tellement fortes que même si le service d'ordre de la CGT, réputé quand même solide, ce jour-là, il a craqué par la violence, notamment des Mao, qui l'ont fait reculer sur plusieurs centaines de mètres. Il y a eu beaucoup de blessés dans le service nord de la CGT, constitués de métallos, d'ouvriers du livre, etc. C'est une violence très, très, très dure. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent « y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef Fayon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans. » Au métro Bir Hakeim, une nuit, pour protester contre une hausse des tarifs des transports en commun, vous aviez volé des milliers de tickets. Ça se vendait par carnet cousu à l'époque du poinçonneur des lilas. Une centaine de carnets, 1000 tickets. Ça faisait une petite brique bien compacte, pas encombrante du tout. Très était dans le coup, bien sûr. Pour faire le guet pendant que vous jouiez de la pince Monseigneur dans la station, vous aviez posté sous les fenêtres du dernier tango à Paris un camarade élève de Polytechnique, tu as oublié son nom, en grand uniforme, bicorne et tout, avec une belle brune plantureuse. Il devait s'embrasser langoureusement, genre retour du bal des débutantes, tout en matant les alentours. Si les flics passaient par là, estimiez-vous, ils seraient favorablement impressionnés par le couple, peut-être même qu'ils salueraient. La difficulté ensuite, ça a été de les distribuer, ces milliers de tickets, dans les gares ou à la porte des usines. Les tracts, les gens étaient habitués en ce temps-là, ils attrapaient négligemment, fourraient ça dans leur poche, mais des tickets... Les tickets de seconde étaient jaune pâle, expliques-tu à la fille de 13, couleur de... Couleur exactement des livres grecs dans les belles lettres, couleur de Platon ou d'Eschyle, you see? Mais des premières, vers Reseda, ils craignaient une embrouille. Olivier Rollin. Et puis il y a eu enfin des catégories de cibles assez opportunistes, malheureusement. Genre les petits commerçants, le Silunati, l'affaire de Bruyères-en-Artois, des affaires judiciaires, où l'AGP voulait défendre des cas sociaux, pas évidents, même pour les journalistes ou pour les magistrats ou pour ceux qui les instruisaient. C'est là où, je pense, il y a eu beaucoup de dérapages. Parce que quand on essaie à tout prix de gagner de l'influence, gagner des militants en allant sur des terrains qui deviennent plus flous, ben on perd un peu son âme. La relation aux médias, c'est quelque chose qui est très important durant cette période-là. C'est pas simplement la rubrique quotidienne Agitation du Monde, qui donne le journal Le Monde, qui donne l'exemple. Hein. C'est-à-dire que quand vous créez une rubrique Agitation dans un quotidien, il faut l'alimenter. Et l'AGP était avec d'autres très contente de l'alimenter. C'était une porte ouverte sur la résonance. Mais surtout, parce que le fait de mener une action symbolique, on pille les magasins Fauchon pour distribuer la nourriture dans un bidonville. Il y en avait à l'époque, aux alentours de Paris. Et créer un clivage. Ça a donné lieu à une certaine mécanique, si vous voulez. C'est-à-dire que l'action en soi, elle allait être de plus en plus pensée par rapport à la résonance qu'elle aurait dans le monde médiatique. Je vois par exemple, quand il y a eu une action sur Paul Gardant, après un coup de grisou, l'affaire Liévin, ses conséquences, l'action a été menée, non pas pour faire du mal à ce pauvre monsieur Gardant, qui en plus, quand le commando a pénétré chez lui en voyant un bouquin de Clavel sur son table de chevet, Maurice Clavel, c'était un allié de la gauche prolétarienne, donc le commando avait plus du tout envie de faire de mal à monsieur Gardant. Mais le but, c'était, ça a été fait, que la photo de cet homme ligoté dans son lit soit dans la Une de François le lendemain, et ça a été le cas. Et toute la chaîne logistique pour que ça soit à la Une de François, c'est là où on commençait à voir un certain, pas dire professionnalisme, mais une certaine tendance à associer systématiquement l'action à sa médiatisation. Guillaume, réponds ! Guillaume ! Oh, vous savez, moi j'ai découvert comme ça que les trois quarts de leur analyse, enfin, et même pas les trois quarts de leur thèse au PC français sont fausses. Enfin, surtout pour les anglais. Beaucoup trop près de Moscou. C'est la faute du PC. Oui, exactement, c'est la faute du PCF. Et c'est pour ça qu'on est obligé, nous, de chercher notre idéal à des milliers de kilomètres à Pékin. Écoutez. Ici Radio Pékin. Ici Radio Pékin. Il y avait au Japon aussi de mouvements maoïstes, sympathisants, influencés par les maoïstes français. Très curieusement, maoïstes français, ce sont des nouveaux philosophes, hyper connus. Groupes tels que donc Solers, Kristeva, tout ça, c'était maoïste. Et puis le nouveau philosophe, là, Glucksmann, VHL. Mais il y avait une limite, sérieuse limite à mon avis. Les Français, sympathisants de maoïsme, n'étaient pas au courant exactement de ce qui s'est passé en Chine. C'était un peu le rêve, le romantique. Ils étaient tous Mao. Ils étaient tous petits Mao. Mais ils ont fait le lâchage de Marx pour effacer l'erreur de leur politique. Ils ont fait l'autocritique, mais sans prononcer, dissimulé. Maoïsme au Japon, il n'y avait pas cette appellation, hein, mais premier mouvement maoïste au Japon, si ça existe, c'est Sansonko Sakutai. Ce sont des intellectuels adhérés au Parti communiste japonais, puisque pratiquement c'était sur le parti. Là, donc. Là, en 1951, il y avait nombreux intellectuels importants qui se sont engagés. Une espèce de préparation pour les éventuelles guérillas à la montagne. Étant donné que Sansonko Sakutai a vécu le cuisant échec, ils se sont tous regrettés. Ces gens-là qui étaient au courant de ça, quand ils ont observé le phénomène à Paris, les maoïstes, nouveaux philosophes, tout ça, on s'est moqué de eux, puisque, oh là là, quelle naïveté, Voilà, c'était ça la réaction de la part des intellectuels japonais. Chin-tien, ni hao pu hao. Mao mao chungi, ta hao chungi. Vous, qu'est-ce qui vous a séduit à la gauche prolétarienne? C'est le maoïsme, c'est la Chine, ou c'est une forme de militantisme? Ce qui m'a séduit à la gauche prolétarienne, c'est l'esprit de révolte. Et comment ça pouvait se traduire par une certaine forme d'audace, comment on pouvait sortir des sentiers battus de la vieille politique. C'est pas la Chine. Parce qu'on sentait bien déjà en lisant Pékin Information qu'on était dans quelque chose qui sonnait très faux. Et ça m'est arrivé avec d'autres d'aller perturber des réunions de Pékin Information en France parce que c'était caricatural et c'est pas ça qu'on voulait. En revanche, ce qui m'a séduit, c'était aussi la volonté de remettre en cause l'image de la révolution à travers le projet soviétique. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge. Seguivo la politica dei sindacati. Lavoravo per la produttività, incrementavo io, incrementavo. Siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina. Io sono una puleggia, io sono un bulone, io sono una vite. Io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa! Io propongo di lasciare subito il lavoro di... 1969 est aussi une année décisive en Italie, avec la création de Lotta Continua et de Potere Operaio, directement issu du mouvement ouvrier et étudiant, à l'origine des luttes dans les universités et dans les usines de Fiat. Fin 69, l'attentat fasciste de la Piazza Fontana à Milan et la réponse de l'État vont réactiver la crainte d'un coup d'État en Italie et radicaliser les mouvements d'extrême-gauche. Deux anciennes des Brigades Rouges nous racontent ces années particulières qui les ont menées à la lutte armée. La première s'appelle Barbara Balzerani, membre dirigeant des Brigades Rouges, non repentie. Elle a notamment participé à l'enlèvement et à l'assassinat d'Aldo Moro en 1978. Arrêtée en 85, elle a purgé 25 ans de prison. Mais non, ma. Il mio impegno politico è cominciato quando mi sono iscritta all'Università di Roma. Mon engagement politique a commencé quand je me suis inscrite à l'Université de Rome. Venendo da un piccolo paese della provincia. Je venais d'un petit village en Provence. Ed era l'anno 1968. C'était l'année 1968. Tutto quello che mi era sembrato una profonda ingiustizia. Nella mia tout ce qui m'avait apparu comme profondément injuste dans ma ville d'origine. Tutto questo era maintenant était devenu l'objet d'un engagement politique. Io vengo da un paese molto particolare. Je viens d'une petite ville très particulière parce qu'elle est née autour d'une usine. Una fabbrica di esplosivi all'inizio. Et elle fabriquait de l'explosif. I padroni di questa fabbrica che poi les propriétaires de l'usine étaient les propriétaires de toute la ville parce que c'était à eux l'école, c'était à eux les petits magasins d'alimentation, tout appartenait aux propriétaires. Et anche le nostre vite appartenevano. Aussi appartenait au patron de l'usine. Dopo la costruzione della fabbrica hanno chiamato le Après la construction de l'usine, ils ont appelé les ouvriers de toutes les régions les plus pauvres d'Italie. E sono arrivata dopo. Non c'ero durante la seconda guerra mondiale. Je suis né après la deuxième guerre mondiale. Le condizioni di vita erano un po' diverse da quelle dei miei fratelli e sorelle che avevano la, il destino Mon segnato. Mon destin a été un peu différent de celui de mes frères et de mes sœurs qui, après les études secondaires, allaient travailler à l'usine. Io ho avuto un'infanzia felice. J'ai eu une enfance heureuse in fabbrica, quindi non poteva, parce que ma mère travaillait à l'usine, donc j'étais très libre. E io pensavo di essere una specie di principessa, perché questo mi faceva... J'ai grandi comme une princesse, c'est mon père qui me fait sentir une princesse, au point que je m'appelle Barbara et la patronne de cette petite ville est Santa Barbara. Et non è un caso perché c'est pas un hasard parce que Santa Barbara, elle est la patronne de l'explosif et de la poudre à tirer. Nel paese c'era la festa? E io pensavo che era per me. Et quand il y avait la fête de la ville, j'étais convaincue que c'était pour moi. Quando sono andata in quand prima je suis arrivée à la première classe de l'école, je me suis rendu compte que j'étais pauvre, je n'étais pas une princesse. E lì è nata, è cominciata questa mia. Et c'est là que j'ai commencé à développer une grosse rage, parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait cette grande différence entre les différentes personnes. Mia madre è stata, credo, la persona. Ma mère a été la personne qui m'a appris le plus. Lei mi ha insegnato. Elle m'a appris certaines choses très importantes qui sont restées dans ma vie. Essere indisponibile. La première est ne pas être disposé à vendre sa dignité. E l'altra è il senso di responsabilità. Et la deuxième chose est le sens de responsabilité. Elle me disait que j'étais libre de faire ce que je voulais, mais il fallait savoir que chaque chose a une conséquence et pour nous qui étions pauvres, le prix à payer pouvait être très haut. Per tre fa soltanto nove, chi vedrà vivrà. Mon père était un ouvrier édile de la construction, originaire de Puglia. C'est un pays du sud. Géraldine Accolotti, ancienne des Brigades Rouges, non repentie, 27 ans de prison, aujourd'hui journaliste. La famille de mes parents, ils étaient des récolteurs du grain après que les paysans ils étaient passés. C'était la dernière catégorie, disons, des paysans très pauvres. Et quand ils se sont transférés à Ventimiglia, nous avons habité un sous-toit. Ils n'avaient aucun confort. Nous avons fait la faim beaucoup de fois. J'étais, comme tout gamine, très religieuse parce que j'allais chez les bonnes sœurs à l'école et j'écoutais les histoires des saints. Mon imaginaire, c'était celui qui devait y avoir une justice quelque part. Parce que ce n'était pas possible qu'il y avait des gamins qui souffrent la faim. Maman disait toujours en pleurant, demain sera la justice du ciel. Non? Et pour moi, le 68, l'idée est très forte. Jusqu'à cette époque, ma famille était une famille traditionnelle. Parce qu'il fallait aller à l'église avec le foulard, avec les jupes longues, non? Et c'était le fait de voir qu'il y avait des femmes avec les mini-jupes et tout. Ça a été très important parce que ça a été la bataille de liberté. Vous aviez 12 ans, vous, en 68. J'étais dans le lycée. C'est pour nous, c'est le lycée commence à plus ou moins à 14 ans et moi j'en avais 13 à peine. Le scuole superiori nel mio paese, il liceo sostanzialmente nel mio paese, fino a che non la lycée, c'est-à-dire l'école secondaire de ma ville, était avant que je rentre une école extrêmement liée aux classes supérieures et il y avait que 4 ou 5 étudiants par classe. L'élite. Ce n'était que l'élite qui pouvait aller dans les écoles supérieures. D'abord, les enfants des propriétaires de l'usine, puis ceux des grands commerçants, du pharmacien et même du curé. L'année où je suis rentrée au lycée, ma classe avait 37 élèves. La grosse transformation était que les enfants des ouvriers commençaient à entrer aux écoles supérieures. Questo per me è il 68. Ça, c'est pour moi le 68. Ça, c'est le signe du 68. La question de la liberté individuelle. Il y avait bien sûr aussi la question des libertés personnelles, la rébellion contre l'autoritarisme et la possibilité de voyager, même un stop. Toutes des choses qui donnaient plus liberté à une société qui était jusqu'à ce moment-là sous l'empreinte d'un pouvoir très lié à l'Église. La démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne. Lottavano così come si gioca, i cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Vous, quand vous étiez étudiante, donc à partir de 68, Barbara Balzerani, par quel cercle vous vous êtes engagée politiquement? Le premier année, l'ho passato all'università. La première année, je l'ai passée à l'université. J'ai pris part à toutes les assemblées, à toutes les manifestations, à toutes les longues discussions qu'il y avait à l'époque sur la manière dont on pouvait changer le système. À ce moment-là, vous, Géraldine Accolotti, vous étiez vraiment déjà engagée politiquement ou vous regardiez tout ça un peu de loin? J'ai commencé très très vite. Bien entendu, l'engagement, c'est l'engagement d'une adolescente qui étudie et qui fait expérience de lutte et qui ne vit pas dans une grande ville. Mais ça a été important. On se disait anarchiste, libertaire, pour moi, tout de suite après, dadaïste, un peu tout ce qui pouvait signifier une révolte. C'était lié le moi révolté aussi, mais qui immédiatement commençait à rencontrer ce nous révolté qui était après le mai 68 qui prenait toutes les formes, les masses radicales qui en Italie ont permis une critique à 360 degrés de tout le système culturel, politique, bien entendu économique, social, et dans les usines il y a eu une rencontre très très importante entre les ouvriers du sud qui venaient dans les grandes usines au nord, et la classe ouvrière traditionnelle qui avait une grande mémoire des luttes, mais aussi de pensées résistantes. Proprio questa classe operaia, che non è un caso, secondo me, che sia successo questo, perché ce n'est pas un hasard que c'est cette génération d'ouvriers qui a produit les révoltes. Parce que c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être encadrés dans la discipline des usines. Et c'est pour ça, par exemple, qu'en 62, il y a eu la première manifestation de l'autonomie ouvrière. C'est-à-dire que ce sont des ouvriers qui échappaient à l'organisation du Parti communiste. Sì, sono loro. Sono questi operai che rompono il patto. C'est des ouvriers qui ont cassé le pacte avec le Parti communiste, qui commençait à l'époque cette longue marche à l'intérieur des institutions. Questo è stato il soggetto. Cette génération d'ouvriers était le sujet qui est devenu la colonne vertébrale de notre projet. Dal movimento studentesco. C'est à ce moment-là que moi, du militance générale avec les étudiants, j'ai choisi de rentrer dans le groupe de potere operaio, pouvoir ouvrier. Ma intanto va detto che il movimento extraparlamentare italiano. Il faut dire que le mouvement extraparlamentaire en Italie a été tout de suite un mouvement armé, parce que la confrontation avec l'État a été particulièrement violente dès le début. L'Italie, donc, est en deuil ce soir. À Rome, tous les drapeaux sont en berne à la suite, vous le savez, des attentats d'hier. Attentats qui ont fait, rappelons-le, 14 morts et plus de 100 blessés. Dans les kiosques à journaux, la presse rend compte de ces événements avec des caractères d'affiches noires et rouges. Michel Enfrol, qui se trouve actuellement à Milan, fait tout de suite le point. Eh bien, une fois de plus, je vous parle de la galerie Victor Emmanuel qui se trouve devant le dôme de Milan, à 100 mètres environ de la Piazza Fontana. Pour les milliers de Milanais qui arpentent tous les soirs les arcades de la galerie et de la place du Dôme, et dont beaucoup se trouvent d'ailleurs en ce moment encore Piazza Fontana devant la Banque de l'Agriculture, un seul sujet de conversation, l'attentat. Qui a pu le commettre? C'est la question. C'était les fascistes avec les services secrets qui avaient posé une bombe. Pour les uns, c'est l'extrême gauche, pour les autres, c'est l'extrême droite. Des groupes maoïstes, dit-on, des contestataires ou bien des néofascistes. Ou encore des terroristes du Haut-Adige, comme en septembre 1961. Vous avez dit que c'était les anarchistes, ce qui n'était pas vrai, évidemment. Les gens du mouvement ont immédiatement compris que cet attentat, c'était un acte de terreur qui visait à détruire le mouvement. Derrière les bombes, nous voyons le pouvoir. On les appelait des attentats d'État. Toutes les fois qu'en Italie, il y avait une avancée de la classe ouvrière, du mouvement révolutionnaire. Il y avait un massacre de ce nature-là, toujours. Piazza Fontana, Piazza della Loggia, et jusqu'à, disons, une période différente, mais le massacre de Bologne. Pour beaucoup de ceux qui déjà s'imaginaient à nouveau Che Guevara en Italie, parce que ça, c'est le modèle à cette époque. Francesco Giorgini. L'attentat de la Piazza Fontana est le signe que la réponse de l'État sera violente, militaire, voire stragiste, c'est-à-dire massacratrice, et que donc l'hypothèse des armes, de la fameuse critique des armes évoquée par Gian Giacomo Feltrinelli, n'est plus seulement une option, mais probablement une nécessité. Et à partir de là, ce qui était déjà en quelque sorte dans les tuyaux en forme de soutien, on va dire, armée ou lutte sociale devient quelque chose de plus élaboré, c'est-à-dire une stratégie d'affrontement militaire contre l'État bourgeois. Il y a eu à ce moment-là beaucoup de manifestations et ces manifestations étaient toujours attaquées par la police. Donc nous avons pris l'habitude d'employer les armes parce qu'on avait la nécessité de se défendre. Personnellement, Barbara Balzerani, qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez fait ce choix d'entrer aux Brigades Rouges? Pour moi, la spinta décisive est stata il rapimento del giudice Sossi. Pour moi, ce qui m'a convaincu à passer à la lutte armée avec les Brigades Rouges a été l'enlèvement du juge Sossi, pubblici ministeri un juge particulièrement méchant. Il fatto era che la lotta armata contro la lutte armée contre les hiérarchies de l'usine coniugava, si univa alla lotta contro lo Stato. Devenait lutte contre l'État. Per me questo era il les deux choses sont unies et c'est ça qui m'a convaincu à mettre en jeu ma propre vie. Io sono entrata nelle Brigate Rosse nel 75. Moi je suis rentrée avec les Brigades Rouges en 75. L'ho dovuto cercare prima. Et après, j'ai dû les chercher, les Brigades Rouges, parce qu'il n'y avait pas un lieu où il y avait marqué Brigade Rouge, et j'ai dû les chercher pour me joindre à eux. L'ho cercate et l'ho trovate. J'ai cherché les Brigades Rouges et j'ai fini par les trouver. Après 68, la révolution n'est pas un dîner de gala. Fin de la première partie. Avec Makoto Asari, Michael Prazan, Alain Gesmar, Lucas, Barbara Balzerani, Géraldine Accolotti et Francesco Giorgini. Extrait du documentaire « Japon, les années rouges » de Michael Prazan et des films « La Chinoise » de Jean-Luc Godard, Coup pour coup de Marine Karmitz et La classe ouvrière va au paradis d'Elio Petri. Extrait du Tigre de papier d'Olivier Rollin. Lecture Samuel Glomé. Traduction Mariolina Venezia. Prise de son Georges Thau. Réalisation Christine Robert. Mixage Julien Douminc. Coordination Perrine Carvran et Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Christelle Polotek pour LSD, la série documentaire. À demain pour la deuxième partie. LSD, la série documentaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Et si vous voulez occuper la fac, bibliographie, lien, nous podcaster pour la manif ou nous réécouter à Notre-Dame-des-Landes, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, deuxième étape, le feu aux poudres en France et en Allemagne. Et pendant deux semaines, pour prolonger, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, Phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire, le film de Carole Rossopoulos réalisé en 71. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est toute la programmation de France Culture qui explore ce mythique mois de mai, de la fabrique au pied en passant par les chemins de la philosophie.